Fadjet, aujourd'hui 30 ans d'ondes solidaires. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est l'heure de se retrouver sur Fadjet dans votre émission Sentiez-vous bien spéciale anniversaire. Car oui, Fadjet a 30 ans et les 30 ans ça se fête et ça se fête ensemble et en direct. 30 heures d'émission consécutives qui symbolisent les 30 dernières années et donc 3 décennies à se remémorer ensemble. Et l'année que l'on va retracer ensemble aujourd'hui est l'année 2009. Vous vous souvenez des événements marquants de 2009? Quel a été le tube de l'année 2009 sur lequel vous êtes émoussé? Un brainstorming en direct avec vous et avec mes invités vous attend. D'ailleurs, en parlant d'invités, il est temps de vous présenter ceux qui m'accompagneront durant cette heure festive. Bernard Quadon, bonjour. Bonjour. Merci d'être à mes côtés sur Fadjet. Vous êtes président de Radio Fadjet. C'est un véritable honneur de vous avoir à mes côtés pour célébrer ensemble ce 30e anniversaire. Car dans quelques instants, nous allons discuter de votre engagement, car Radio Fadjet, vous me dites si je me trompe, est bien plus qu'une radio. Absolument. Et on va vous en dire plus à ce sujet dans quelques instants. À mes côtés également dans ce studio, David Cozon, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de communication au CHRU de Nancy. En ce jour d'anniversaire de Fadjet, j'avais envie de faire un peu un parallèle avec votre établissement pionnier en Lorraine. Si vous le voulez bien, l'occasion de discuter ensemble également des 30 dernières années du CHRU, de tout ce qui fait son actualité aujourd'hui et puisque demain se prépare maintenant, nous discuterons également de la médecine du futur en évoquant, pourquoi pas, les 30 prochaines années du CHRU de Nancy. Mais avant de se pencher sur ces activités, revenons, comme je vous le disais, sur l'année 2009. Vous avez des souvenirs particuliers, Bernard, David, de cette année 2009? Quelque chose vous a marqué? Alors, à part le fait que ça faisait 2 ans que je travaillais au CHRU de Nancy, là, il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Donc, c'est un événement marquant personnel. Bernard, un événement... Moi aussi, ça va être un événement marquant personnel, puisque 2009, ça a marqué la fin de ma carrière professionnelle, puisque j'ai pris ma retraite en 2009. On va en parler donc, juste... le début d'une nouvelle vie. On va en parler juste après. Mais si je vous parle du miracle de la rivière Hudson, est-ce que ça vous évoque quelque chose? Alors là, je sèche. Le miracle de la rivière Hudson, le 15 janvier, un miracle se déroulait à New York, quelques minutes après le décollage à l'aéroport de LaGuardia. Un Airbus A320 de la compagnie US Airways percute des oiseaux, malheureusement, qui mettent hors service les deux moteurs. Et rappelez-vous, pilote devient un héros national en arrivant à poser l'avion de l'Hudson, c'est la petite rivière qui borde l'île de Manhattan. Donc c'était un événement qui a marqué le début de l'année 2009. Les 155 passagers de l'avion s'en sortent sans la moindre égratignure. On va passer à un second événement qui a marqué les États-Unis. On reste dans ce pays avec un événement présidentiel. Je pense que là, vous savez de quoi je parle. Qui accède au trône? Barack Obama. Notre ami Barack. Barack Obama, le 44e président des États-Unis, prête serment au Capitole de Washington, devant une affluence record de plus de 2 millions de personnes. Barack Obama avait été élu relativement tranquillement le 4 novembre 2008 avec une participation record de 63%. Oui. On en est loin. Il devient le premier président noir des États-Unis. C'est ça ce qui est important. Et c'est ça ce que certains considèrent comme un accomplissement partiel du rêve de Martin Luther King. Le mandat de notre bien-aimé George Washington Bush avait donc été bel et bien terminé. Si je vous chante « Every night in my dreams », ça vous fait penser à quoi? À Titanic. Donc, ce n'était pas l'anniversaire du Titanic, mais le 31 mai meurt la dernière survivante du Titanic, la dernière personne qui a vécu cet événement à l'âge de 17 ans. Elle avait 2 mois lors du naufrage. Elle ne se souvient de rien, mais quand même, elle a participé à ces événements. Et David, vous qui travaillez au sein du CHU, il s'est passé un grand événement en 2009. Ah. Dites-moi en plus. Une pandémie, la grippe H1N1, ça vous évoque quelque chose? La fameuse, le 11 juin, et oui, ça date, le 11 juin 2009, l'OMS déclare l'état de pandémie mondiale. La grippe A, la fameuse grippe H1N1, cette grippe originaire du Mexique crée la panique dans le monde. On croit revivre les cauchemars tels que la grippe espagnole de 1918 qui a failli faire 30 millions de morts. Au final, pour rappel, la grippe A n'était pas si dangereuse que ça. Elle aurait causé environ 6000 décès, c'est-à-dire environ 50 fois moins que la grippe que l'on connaît habituellement. Oui. Le vaccin contre cette grippe aurait d'ailleurs été déclaré plus dangereux que la grippe elle-même. On passe maintenant au Royaume-Uni, quelque chose de plus léger. Une pop star avait fait sensation, une pop star pas comme on connaît habituellement. Ouais. Vous savez de qui je parle ? Madonna, non ? Oh, une pop star. Elle est encore plus âgée que Madonna. Je sais qu'elle est. Alors là. Si je vous parle de l'émission Britain's Got Talent. Ah. Suzanne. J'allais dire Suzanne. Suzanne Boyle. Suzanne Boyle, exact. Le 11 avril, la chômeuse écossaise Suzanne Boyle fait sensation lors de l'émission Britain's Got Talent. Elle y interprète la fameuse chanson I Dreamed a Dream de la comédie musicale Les Misérables. Le public et le jury de l'émission, vous vous souvenez, d'abord, ils étaient très très moqueurs par rapport à son physique. Oui. Qui n'était pas très avantageux. Et ils sont tombés littéralement sous le charme de la voix de Suzanne Boyle. La vidéo de sa performance a battu des records sur le web avec plusieurs centaines de millions de vues en un temps record. Ou à l'heure où je vous parle, malheureusement, presque tout le monde l'a oublié. Mais c'était quand même une performance à noter. On va passer à un autre exploit. Après la chanson, en 2009, un exploit sportif a eu lieu. Il se fait appeler La Foudre. Est-ce que ça vous évoque quelqu'un en particulier ? Un coureur qui se fait appeler La Foudre. Non. Usain Bolt. Ah. Usain Bolt, le 16 août 2009, au cours d'une finale d'anthologie, Usain Bolt devient champion du monde à Berlin et bat le record du monde du 100 mètres en 9 secondes et 58 centièmes. Déjà le premier homme sous les 9 secondes 70 centièmes, il devient le premier homme à réussir cet exploit. Il établit à cette occasion l'amélioration la plus nette du record du monde à cette discipline et devient le premier à améliorer 3 fois de suite le record du monde de 100 mètres. Vous pensez courir combien de temps, vous, le 100 mètres, David ? Ouh là là, peut-être en une demi-heure, je sais pas. En 9 minutes 60. Moi, je pense que ça serait pas 9 secondes 60, ça serait 9 minutes 60. Et vous, Bernard ? Ouh là, moi, il me faut bien une heure. Bien une heure aussi. On va passer à un pays voisin à présent. Le 9 novembre 2009, Berlin a organisé une très grande fête pour fêter quelque chose qui a marqué son histoire et par la même occasion, la nôtre. C'était le 20e anniversaire d'un grand événement à Berlin. Le 20e anniversaire de la chute du mur. À cette occasion, un millier de dominos géants, comme une espèce de domino dé, et très colorés, sont installés sur le tracé de l'ancien mur et symboliquement ils ont renversé un à un les dominos pour symboliser le mur qui s'effondre. On va passer à une ville encore plus proche de nous, un dernier exploit, un exploit qui nous vient de la ville de Forbach. Vous vous souvenez sur quoi vous avez dansé en 2009 ? Tellement de choses. Tellement de choses que sont passées. Ça a été le tube de l'été. Éric Greff est un auteur, compositeur, interprète français. Il est né le 19 juillet 75 à Forbach. Il connaît naturellement le succès en 2009 avec la création d'un personnage allemand avec un fort accent allemand. Sa chanson s'est classée numéro 1 des top singles France durant 4 semaines. Tu l'as reconnu ? Helmut Fritz. Exactement, c'est Helmut Fritz avec Ça m'énerve. On écoute tout de suite cette chanson et on se retrouve sur Fadjet. Non, sentez-vous bien. Toutes celles qui portent la frange à la quête mousse, ça m'énerve. Ça m'énerve. J'entre au coste boire un verre, mais la serveuse me pompe l'air. J'ai pas la réservation, je ressors, j'ai l'air d'un con. Ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. J'ai un cadeau à faire de chez Zadig et Voltaire. Le pull où c'est marqué rock, mais y'a la rupture de stock. Devant le club VIP, y'a plein de Lamborghini. Moi j'arrive sur mauvaise pas. On me dit tu rentres pas, mais ça m'énerve. J'entre chez Weston, une blonde asse au téléphone me dit je peux vous aider? Non, je vous ai pas sonné, elle m'énerve. Mon Dieu, elle m'énerve. Au milliardaire, dans le carré, j'ai tout vomi par terre. J'ai perdu mon ticket pour le vestiaire. Je trouve pas de taxi, ah, c'est la guerre. Ça m'énerve tous ces gens qui font la queue chez la durée. Tout ça pour des macarons. Mais bon, il paraît qu'ils sont bons. Ça m'énerve. Toutes celles qui dansent sur le dance floor comme des princesses. Ça m'énerve. Si t'as la black card, et ben tu verras leur fesse. Helmut Fritz avec Ça m'énerve. Bienvenue à tous. Si vous venez de nous rejoindre sur le 94.2 FM, vous êtes en plein cœur de votre émission Sentez-vous bien, spécial anniversaire. Car votre radio Fatjet fête ses 30 ans aujourd'hui, 30 heures d'émission consécutive qui symbolisent les 30 dernières années et donc 3 décennies à se remémorer ensemble. D'ailleurs, en parlant de se remémorer, est-ce que vous vous souvenez de ça? Qui pleuve, qui neige, qui vente, plus besoin que je t'invente. À pied, à cheval, en auto, Fatjet 94.2, c'est toi ma radio. Un ancien jingle de Fatjet pour symboliser les 30 ans de Fatjet. Vous vous souvenez de ce jingle, Bernard? Vous l'aviez connu? Non, je ne l'ai pas connu. C'était à quelle époque, ça? C'était, au tout début. C'était vraiment... c'était durant les premières années de Radio Fatjet. D'ailleurs, en parlant de vous, Bernard, vous qui êtes le président aujourd'hui, bien que Fatjet ait été relifté, les logos, les jingles ont été changés, son âme et son esprit perdurent. Quel est l'esprit actuel de Fatjet? Pourquoi est-ce que c'est plus qu'une radio? Alors, je dirais déjà, je vais déjà répondre sur le fait que ça perdure. Je pense que si Fatjet a un esprit et une façon de faire qui perdure, c'est grâce à la fois à ce conseil d'administration qui assume vraiment le rôle de maintenir une continuité dans la mission, dans le projet initial de Fatjet. Et puis, bien sûr, au personnel, à la directrice, à tous ces gens qui travaillent à Fatjet au quotidien et qui maintiennent le cap qui a été défini de façon assez géniale il y a 30 ans. Et du coup, quel est ce cap, quel est cet esprit qui a été défini à 30 ans et qui permet aujourd'hui de nous retrouver là encore? Eh ben, c'est le fait qu'effectivement, Fatjet, c'est plus qu'une radio. C'est, j'ai envie de provoquer un peu en disant que ça n'a rien à voir avec une radio classique. C'est surtout une maison. D'où partent plein de sons, effectivement, par les voix de la radio. Mais c'est surtout une maison où il fait bon vivre, où il fait bon échanger, où il y a de la bonne humeur, où il y a de la convivialité. Voilà, Fatjet, c'est surtout ça. Une maison de la convivialité que vous avez eu envie de rejoindre fin 2009, je crois. Ça a été une année de transition. Voilà, donc 2009, c'est l'année où j'ai pris congé de mes activités professionnelles pour le départ à la retraite. C'est vraiment une nouvelle vie qui s'ouvre à ce moment-là. Un espace de liberté assez fantastique, assez incroyable. Une renaissance? Presque une renaissance. Une nouvelle naissance, effectivement. Un nouvel espace qui s'ouvre, un espace-temps. et vraiment une liberté de choix assez extraordinaire, parce que on est libéré de plein de contraintes. Bon, moi, mes enfants avaient quitté la maison, évidemment. Plus de contraintes de temps, pas de contraintes d'argent, parce que on sait qu'on sera payé à vie et qu'on sera, on a peu de chance d'être licencié de la caisse de retraite. Donc, comme le chante la Reine des Neiges, vous étiez libéré, délivré en quelque sorte. Voilà, absolument. donc je me suis dit, que faire? Et j'ai pas réfléchi trop longtemps, c'est-à-dire que mes engagements associatifs que j'ai eus tout au long de ma vie m'ont poussé à les continuer et à m'investir dans l'associatif, en me disant que bon, j'ai beaucoup reçu de tous les gens que j'ai côtoyés dans toute ma vie, et à un moment donné, au moment où je retrouve de la liberté, cette liberté-là, je peux la redonner aux gens qui en ont besoin, voilà. Et donc j'ai été sollicité pour Fadjet par un ami du conseil d'administration, donc j'ai dit oui à l'appel, et puis j'ai été vice-président pendant un an, je crois, quelque chose comme ça, et puis ensuite la présidente ayant démissionné, je l'ai remplacé. Donc votre rôle aujourd'hui, président de Radio Fadjet, qu'est-ce que cela vous a apporté? Qu'est-ce que cela vous apporte aujourd'hui? Qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir quand je viens, parce que c'est une maison où il fait bon vivre. Ça m'apporte aussi une image de la jeunesse. Hein, on entend dire, surtout quand on prend quelques années, hein, quand on commence à vieillir un petit peu, on côtoie des gens qui disent « les jeunes, il n'y a plus de jeunes, tout fout le camp, etc. » Eh bien non, les jeunes que j'ai côtoyés, que je côtoie encore et toujours à Fadjet, Donc ça permet de mettre en relation différentes personnes, différents âges, de les faire communiquer, parler ensemble, se réunir et se retrouver. Oui, et je veux insister sur le fait que tous ces jeunes que je côtoie sont vraiment assez extraordinaires. Je ne le dis pas par démagogie ou quoi que ce soit, je suis vraiment frappé par le fait que les jeunes d'aujourd'hui sont des jeunes beaucoup plus ouverts, je trouve, que ceux de ma génération. Ils ont une grande intelligence, un dynamisme, c'est vraiment plein d'espoir et ça me fait vraiment plaisir. Vous avez évoqué le mot frappé, justement, qu'est-ce qui vous a frappé? Quel est votre meilleur souvenir? Quels sont vos meilleurs souvenirs depuis que vous êtes président de Radio Fadjet? Le meilleur souvenir que j'ai à Fadjet, c'est il y a quelques mois quand on s'est mis en chantier pour changer le parquet du premier étage de la maison de Fadjet. On s'est retroussé les manches, on était une équipe là et c'était vraiment très sympa. Et on a bien bossé et on a un beau parquet tout neuf. Car oui, on le rappelle, en plus d'avoir un logo tout neuf, tous nos locaux sont entièrement refaits, entièrement neufs, entièrement reliftés. En parlant de lifting, est-ce que vous pensiez un jour que Fadjet aurait 30 ans? Oh oui, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est quand même assez extraordinaire qu'une structure comme ça perdure, n'ait pas de signe d'essoufflement. Ça marche bien, franchement. Et au contraire, elle ne s'essouffle pas, il y a même un dynamisme. Oui, tout à fait. Pour finir, que souhaitez-vous pour les 30 ans à venir à Fadjet, pour le 60e anniversaire? Qu'est-ce que vous souhaitez? Que ces jeunes que j'ai décrits tout à l'heure comme étant très ouverts, dynamiques, intelligents, etc., continuent à faire évoluer la radio et continuent toute cette convivialité, tout cet humanisme, cette fraternité qu'on retrouve à Fadjet. Je vous propose de reparler de ça dans 30 ans, pour le 60e anniversaire. Pas de problème. On garde le même dynamisme. Merci beaucoup Bernard Quadon pour toutes ces réponses. Restez avec nous car en parallèle de l'anniversaire de Fadjet dans votre émission Sentez-vous bien, le CHRU de Nancy sera aussi fêté avec la présence de David Causon, chargé de la communication du CHRU, avec qui nous allons parler des 30 dernières années du CHRU, de son actualité aujourd'hui, mais également de la médecine de demain et de ce qui vous attend très prochainement dans le futur dans Sentez-vous bien. Sentez-vous bien sur Fadjet, votre rendez-vous santé avec Thomas et Julien, l'émission qui ne vous veut que du bien. Bien. Bienvenue à tous, si vous venez de nous rejoindre sur Fadjet, vous êtes en plein cœur de votre émission Sentez-vous bien, spécial anniversaire, car Fadjet souffle ses 30 bougies aujourd'hui. 30 heures d'animation, d'émissions consécutives qui symbolisent les 30 dernières années et 30 décennies à se remémorer ensemble, ensemble et notamment avec le CHRU de Nancy. Sentez-vous bien, votre rendez-vous santé en Lorraine sur Fadjet. David Causon, rebonjour. Rebonjour. Merci d'être à nos côtés en ce si bon matin pour cette émission spéciale anniversaire. Prêt à tout nous dire sur les 30 dernières années du CHU ? Absolument, je suis dans les starting blocks. Starting blocks, alors c'est parti. Alors, qu'est-ce qui a changé en 30 ans au CHU ? Alors, c'est vrai que si on regarde l'élément le plus visible de l'hôpital, c'est-à-dire les bâtiments, on voit une grande évolution, des bâtiments ont fermé, on peut citer l'hôpital Jeanne d'Arc à Dommartin-les-Toul, les hôpitaux Maringé-Villemain-Fournier en centre-ville. Des nouveaux bâtiments se sont construits, et là on est vraiment sur une configuration de deux sites, les hôpitaux urbains en centre-ville et les hôpitaux de Brabois sur le Technopôle à Vendeur. Donc quelle est la différence finalement entre ces deux types d'hôpitaux ? Est-ce qu'ils fonctionnent de la même manière ? Pourquoi est-ce qu'ils ont été divisés ? Comment fonctionnent-ils ensemble ? Alors à l'époque, c'est vrai que les hôpitaux historiquement étaient en centre-ville de Nancy, avec l'augmentation de la population. Comme l'hôpital central par voilà, exemple. Comme l'hôpital central. Avec l'augmentation de la population, il y a eu cette nécessité d'étendre les zones urbaines et donc la construction de l'hôpital Brabois adulte sur l'actuel Technopôle était une vraie nécessité. On va parler également en termes de modernisation. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'innovations technologiques qui ont été faites durant ces 30 dernières années au CHRU. Vous me parliez d'imagerie, mais également de chirurgie qui devient de moins en moins invasive. Oui. Alors pour l'imagerie, c'est vrai que ça a totalement révolutionné la façon de diagnostiquer, de prendre en charge les pathologies. Au CHRU de Nancy, c'est plus de 1000 patients pris en charge chaque jour. 1000 patients par jour. Voilà, sur les équipements d'imagerie médicale. Alors parmi toutes les techniques dont on dispose, on peut en évoquer rapidement trois. L'IRM, c'est l'imagerie par résonance magnétique, qui est de plus en plus performante. Et c'est vrai, quand on parle d'innovation, il ne faut pas oublier le confort des patients. C'est vrai que l'IRM, c'est ce tunnel dans lequel on rentre, qui fait beaucoup de bruit. Ça peut être très impressionnant. Ça peut être même anxiogène et angoissant quand Exactement. On rentre dans ce tunnel. On se sent un peu oppressé, mais toutes les techniques sont là pour, je ne dirais pas de faire de ce moment un moment agréable, mais moins traumatisant. Et en particulier pour les enfants, c'est particulièrement stressant. Il faut qu'ils restent immobiles pour qu'on obtienne les meilleures images possibles. Et jusqu'à présent, on utilisait l'anesthésie générale. Donc ça, c'est quand même pas anodin. Et en fait, des chercheurs nancyens ont mis un dispositif pour que les enfants puissent regarder des dessins animés pendant l'examen. Du coup, c'est intégré ? Il y a des écrans ? Alors, vu que c'est un environnement à champ magnétique et aimant, la prouesse technique, c'était de pouvoir... parce qu'on ne peut pas faire rentrer une télé... Oui, parce que ça va gêner les résultats. Il y en Donc a pas en le fait, droit de... voilà, c'est un système de miroir et de rétro-projection avec l'audio, le casque sur les oreilles qui permet ça. Donc ça a permis de rendre cet examen moins traumatisant. Oui. En parlant de chirurgie, elle devient de moins en moins invasive. Autrefois, on ouvrait beaucoup plus facilement. Aujourd'hui, on arrive à faire beaucoup de choses... Voilà, en fait, c'est tout ce qui est célioscopie et robotique chirurgicale, en fait, on pratique de toutes petites incisions. Les instruments sont rentrés dans l'organisme par ces petites incisions. Il y a un optique relié à une caméra et le chirurgien peut opérer sans avoir à ouvrir totalement la zone. Donc, je pense qu'il y a deux conséquences majeures à cela. On se remet beaucoup plus vite de Exactement. L'opération et il y a beaucoup moins de risques également de... surinfection. Exactement, et on diminue les douleurs post-opératoires. On diminue également le nombre de jours où on reste à l'hôpital, je crois. Exactement. Ça a considérablement diminué, ce qui a permis de développer aussi la prise en charge en ambulatoire. Oui. Vous me dites, si je me trompe, je crois maintenant plus d'un quart des actes sont pris en ambulatoire. Ça veut dire quoi être pris en charge en ambulatoire ? Alors l'ambulatoire, c'est rentrer le matin à l'hôpital et ressortir le soir. Donc c'est vraiment un mode de prise en charge qui est plébiscité par les Français. C'est une priorité nationale de le développer de plus en plus dans les hôpitaux. Et c'est vrai que le CHRU de Nancy est en plein dans cet essor-là. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur la chirurgie ambulatoire au CHRU de Nancy, je vous invite à suivre notre émission, notre web émission le samedi 12 décembre sur www.ambulatoire-nancy.tv de 11h à 12h. pour la partie grand public et de 13h à 14h pour un e-learning professionnel. Vous retrouverez bien sûr toutes ces informations sur le site Sentez-vous bien sur fadjet.net. Un dernier point également qui a pris l'essor, c'est le patient aujourd'hui devient davantage acteur de sa prise en charge. Par le passé, il y avait la traditionnelle pyramide du médecin prescripteur, le pharmacien délivre et le patient respecte respecte à la lettre cette prescription. Aujourd'hui, ça change un peu, le patient devient acteur de sa prise en charge. Exactement, la relation patient-soignant a vraiment évolué et on le voit clairement, c'est dans tout ce qui est éducation thérapeutique du patient. Donc des programmes dédiés vraiment thématiques pour certaines maladies, on peut citer le diabète, la mucoviscidose, etc. Donc en général, ce sont les maladies chroniques, ce sont les maladies que l'on considère comme silencieuses, car elles ne sont pas aiguës, c'est pas une infection subitement qui gêne, c'est des maladies que l'on a tout au long de sa vie, c'est une maladie au long cours, qui ne se font pas trop sentir, mais qui sont quand même présentes. Exactement, et l'enjeu, c'est d'aider le patient à connaître et comprendre sa maladie, à l'expliquer à son entourage et à agir au quotidien sur le traitement. Donc l'éducation thérapeutique du patient, ou autrement appelé ETP, est vraiment un atout majeur de la prise en charge aujourd'hui, car c'est un peu un enseignement au patient, plus qu'un enseignement, c'est à la carte. On ne donne plus des conseils pré-remplis, des fiches toutes prêtes, on ne dit plus le même message à tout le monde. On s'adapte à chaque patient, il y a également un feedback, on s'assure de savoir ce qu'il a compris, d'où il vient, où il va et où il en est. Sous forme d'ateliers, il me semble. Exactement, des ateliers individuels ou collectifs. Et il y a aussi l'approche ludique qui est utilisée durant ces ateliers, notamment par l'intermédiaire de jeux de société qui sont vraiment... je vais citer le jeu « Épate-toi, épate-moi » qui a été créé de par... De Sylvie Erhardt, je crois. Exactement, je crois que vous l'aviez reçu. Qu'on a eu le plaisir de recevoir dans Sentez-vous bien. Et cette approche ludique permet vraiment de libérer la parole, que ce soit entre patients, et avec les soignants. Car les hépatites, voilà, c'est un sujet qui est un peu délicat à aborder. C'est pas le thème dont on va parler tout de suite lors d'une conversation. Oui. Le fait de jouer via des cartes, via un jeu, ça permet peut-être d'être confronté à des questions, à des thématiques et de devoir y répondre. Donc ça permet de débrider et de parler un peu des sujets tabous. Exactement. Et entre patients, c'est aussi l'occasion de partager ses expériences personnelles et de se partager des astuces, comment on vit mieux la maladie au quotidien. Et parlons encore des ateliers d'éducation thérapeutique, c'est vraiment varié. Si on prend le cas du diabète, la maison du diabète offre des ateliers cuisine, offre des ateliers compréhension du médicament, offre des ateliers sport, offre des ateliers psychologie. Donc c'est vraiment, bien sûr, on peut choisir d'assister ou de ne pas assister à tel atelier. Ce n'est pas obligatoire, c'est volontaire, c'est soit individuel, soit en petit groupe. Ça permet vraiment d'adapter, d'avoir un programme à la carte, un peu comme un restaurant, on est tenté de faire tel atelier pour comprendre telle chose, tenté de faire ça, et donc c'est une adaptation au patient. Exactement, aucune contrainte évidemment, c'est pas du tout le sujet, il faut vraiment que la personne soit volontaire, s'implique vraiment dans tous ces ateliers. L'accès à l'information santé média a également été amélioré. Alors oui, de toute façon, on sent clairement que l'information santé est devenue gage d'audience et de réussite pour nombreux médias, que ce soit la télé, Internet. Et c'est vrai que cette explosion-là... Et la radio. Et la radio, évidemment, a obligé aussi les hôpitaux à avoir une information vérifiée, parce que dans tout ça, il y a le pire comme le meilleur. Et c'est important, moi mon métier de chargé de communication, c'est de rendre accessible l'information et une information fiable pour les patients. Bienvenue à tous, si vous venez de nous rejoindre sur Fadjet, vous êtes en plein cœur de votre émission Sentez-vous bien, spécial anniversaire. Avant de retrouver notre invité pour la suite de l'Instant Vérité, pause musicale sur Fadjet, on s'écoute de suite une artiste qui a fait parler d'elle sur scène, pas uniquement par ses performances vocales, mais aussi par ses performances scéniques. Est-ce que vous voyez de qui je parle? Ça fait le tour sur les réseaux sociaux et sur Facebook. La chute de Chaim. Exactement, je parle bien sûr de Chaim qui s'est jeté dans une fosse presque vide, plus de peur que de mal, elle s'en sort très bien, Chaim, mais c'est tant mieux, car elle nous aime et elle le chante dans Tandem. Tandem de Chaim, à tout de suite sur Radio Fadjet. Tant de mots, je t'aime, trop de haine, fort en thème, mathélème, nu en maths, sub tu deviens blême, dans un mot toujours, seul pour, où le contre on récolte ce que l'on sème. Tu me dévisages, tu m'envisages, comme une fille que je ne suis pas. Tandem de Chaim, bienvenue à tous. Si vous venez de nous rejoindre sur Fadjet, vous êtes en plein cœur de votre émission Sentez-vous bien, spécial anniversaire. 30 heures d'émission non-stop à l'image du nombre de bougies que souffle Radio Fadjet aujourd'hui. Tiens, parlons-en d'aujourd'hui. Quelle est l'actualité du CHRU aujourd'hui? Toutes les réponses avec notre invité David Causon, chargé de la communication. David, nouveau nom de retracer ensemble il y a quelques instants le passé du CHU. Mais si on parlait du présent aujourd'hui, le CHRU de Nancy, aujourd'hui, c'est quoi? Alors déjà, CHRU, c'est Centre Hospitalier Régional Universitaire. Oui, pourquoi est-ce qu'on ne dit plus le CHU, mais le CHRU? On insiste bien sur le R. Alors au 1er janvier 2014, on a fusionné avec la Maternité Régionale Universitaire. Donc ça a été une façon de réaffirmer la dimension régionale du CHU au sein de la Lorraine. Et donc vous l'aviez dit, il y a deux sites de référence? Oui, donc les hôpitaux urbains en centre-ville qui comprennent l'hôpital central, l'hôpital Saint-Julien, la maternité et le centre Saint-Stanislas, et les hôpiteaux de Brabois sur le Technopôle à Vendeur, où il y a aussi plusieurs structures, l'hôpital Brabois adulte, l'hôpital d'enfants, l'Institut Louis-Mathieu et le bâtiment Philippe Canton. Et ça fait du monde tout ça, vous me dites, si je me trompe, je crois qu'il y a à peu près 9000 professionnels qui travaillent, dont environ 1000 médecins. C'est le plus gros employeur de la Meurthe-et-Moselle. Et de Lorraine, on peut le dire. Et de Lorraine. Voilà. Avec les médecins, il y a évidemment les soignants, le personnel technique et le personnel administratif. Les professionnels, comme on vient de dire, il y a sur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des missions variées, mais qu'on peut regrouper finalement en trois catégories, des missions de soins, d'enseignement et de recherche. On va commencer par la première, les missions de soins. Il y a près de 2000 lits. Exactement. C'est chaque année plus de 700 000 patients qui sont pris en charge au CHRU de Nancy. Ces chiffres me semblent énormes. Vous en pensez quoi, Bernard? 700 000, vous imaginez? Ça me paraît vraiment énorme. Il y a combien de Lorrains? Combien d'habitants en Lorraine? Bonne question. La question piège. La question piège. Je dirais qu'il doit y en avoir environ 4 millions. Donc c'est quelque chose comme donc ça. Donc ça représente un gros pourcentage de prise en charge. Exactement. Donc évidemment, pour toutes les spécialités qui existent, on peut citer la cancérologie, la cardiologie, l'ORL, la neurologie, les maladies rares. Enfin, c'est vraiment une offre de soins très complète. 70 000 hospitalisations. Et donc 66 000 en ambulatoire à peu près? Exactement, 480 000 consultations chaque année. Toutes confondues? Voilà, toutes spécialités. Avec le passage aux urgences ou alors, ça non, le passage aux urgences, donc urgence adulte et urgence enfant. Alors je rappelle juste, hein, les urgences adultes se situent à l'hôpital central et les urgences enfants à Brabois, à l'hôpital d'enfants. J'ai fait une question en parallèle. Pourquoi distinguer les urgences adultes des urgences enfants? Pourquoi avoir fait un hôpital adulte, un hôpital enfant et pourquoi pas un hôpital unique? Alors, c'est vrai que regrouper les spécialités, la pédiatrie, c'est vraiment une prise en charge très spécifique, hein. L'enfant, c'est pas l'adulte en miniature. Donc, c'est toute une organisation, une prise en charge très spécifique. Et donc, dans les années 80, il y a eu cette construction de l'hôpital d'enfants à Brabois. Et évidemment, il paraissait logique d'y insérer aussi les urgences. Et en parlant d'enfants, il y a à peu près 3300 naissants chaque année à Nancy, à la maternité. Voilà, à la maternité. On va passer à un autre thème. Donc après le soin, il n'y a pas que le soin qui est prodigué par le CHRU de Nancy, il y a également des objectifs de formation. Oui, le U de CHRU, c'est le U pour universitaire. Donc évidemment, il y a tout ce qui est formation initiale, les futurs professionnels de santé, en lien avec les facultés de médecine, d'odontologie et de pharmacie, l'école de sages-femmes, tout un réseau d'instituts de formation paramédicale, soins infirmiers, ambulanciers, manipradio, enfin je ne vais pas tous les citer. Aide-soignant également, c'est important. Exactement, c'est en tout plus de 6600 personnes formées chaque année. 6600, donc l'Université de Lorraine en étroite relation avec le CHRU de Nancy et permet de former les professionnels de demain qui nous soigneront dans le futur. Et de former, pardon, juste oui. Aussi les professionnels, parce qu'un professionnel de santé, ça se forme tout au long de sa vie. Donc de la formation continue aussi qui est proposée. Donc on appelle ça la formation continue, c'est une obligation aujourd'hui d'être formé. Oui. De continuer à se former, d'être à la page, de se réactualiser. Exactement, et Nancy a la chance de disposer de ce qu'on appelle l'hôpital virtuel qui regroupe l'école de chirurgie et le centre de simulation. C'est un peu à l'image d'un cockpit dans lequel les pilotes apprennent à piloter? C'est un espace virtuel avec des patients virtuels? Alors, l'infrastructure existe bien, hein, mais évidemment, oui, il y a des modules où toute cette simulation, donc 3D, etc., en mode cockpit, comme vous l'évoquez, mm-hmm. mais aussi en utilisant des faux patients, des mannequins très performants qui donnent l'impression qu'on soigne vraiment quelqu'un. Et pour soigner quelqu'un, il faut trouver des médicaments, des nouveaux protocoles, et cela ne se fait pas sans recherche. Exactement. Et le positionnement qui a été choisi pour Nancy, le CHRU, c'est tout ce qui tourne autour du vieillissement normal et pathologique de l'organisme. Il y a plus de 120 essais cliniques. Exactement. En termes de publication, on est 10e dans le rang des CHU en France. Alors pour les auditeurs, une publication, c'est quoi? Alors c'est... c'est les résultats d'une étude scientifique, et là ici médicale, qui sont officiellement publiés et validés dans une revue scientifique. Donc on est classé 10e. Exactement. C'est une sacrée fierté pour vos équipes de recherche. Donc est-ce que vous me parliez d'un plan de refondation pour améliorer la prise en charge des patients? Cela s'inclut là-dedans ou c'est encore un autre thème qui est développé par les CHRU? Alors c'est encore autre chose, mais c'est très transversal. C'est vrai que la situation économique du CHRU de Nancy est difficile. C'est pourquoi l'établissement est lancé dans un plan de refondation qui s'axe autour de quatre thématiques: fluidifier et améliorer le parcours global du patient, restructurer et réorganiser les services de manière efficiente, relancer l'investissement et renforcer l'ancrage territorial du CHRU par des coopérations. Est-ce que dans l'accueil du patient, on pourra leur mettre à disposition un GPS pour s'orienter à l'hôpital central? Parce que des fois, ce n'est pas évident, lorsque l'on passe par l'accueil, de savoir où on va et à quel endroit on va. Est-ce que c'est prévu? Parfois, la signalétique ne suffit pas en elle-même, mais c'est vrai que c'est l'avenir. Voilà. Je pense que c'est une petite application ce soir. Antoine, vous êtes ici, à 20 mètres, tourné à gauche, 3e étage. Je pense que ça pourrait être pas mal. Les années qui vont suivre. Sentez-vous bien, votre rendez-vous santé en Lorraine sur Fadjet. Bienvenue à tous, si vous venez de nous rejoindre sur Fadjet, vous êtes en plein cœur de votre émission Sentez-vous bien spécial anniversaire. Avant de retrouver notre invité pour la suite de l'Instant Vérité pause musicale sur Fadjet, on s'écoute de suite un artiste très en vogue en ce moment, Bernard David. Vous vous souvenez du Hula Hoop? Oui. Ou pas? Vous oui. En aviez fait? Non, parce que c'était plutôt réservé aux filles. Plutôt réservé aux filles. Ouais. Oh, j'ai dû essayer au moins une fois ou deux. Au moins, voilà, je pense qu'on a tous dû l'essayer dans les cours d'école durant notre enfance. Et c'est Omi qui nous replonge tout de suite dans l'enfance avec Hula Hoop. A tout de suite dans votre émission Sentez-vous bien sur Fadjet. Mmh. twists and lines, hot sun and clear blue skies, the waves were crashing by. And when she passed me by and gave a wink and smile, and I was on cloud nine, love. The way you move your hips and lick your lips, the way you dip, you got me up so high. And girl, you got that body with them curls like a Bugatti. Avec Oulaou, bienvenue à tous. Si vous venez de nous rejoindre sur Fadjet, vous êtes en plein cœur de votre émission Sentez-vous bien, spéciale 30e anniversaire. Les 30 premières années ne sont que le début de longues années à attendre. Encore votre radio nancéienne, un peu à l'image du CHRU de Nancy qui nous réserve plein de surprises dans l'avenir. Quelle sera la médecine du demain? Les réponses avec mon invité David Causon, responsable de la communication du CHRU de Nancy. Après avoir parlé du passé, du présent, place à l'avenir, place à ce qui nous attend demain. Dites-nous tout, David, la médecine du demain, c'est quoi? Le CHU nous réserve quoi? Alors c'est vrai que déjà l'avenir, ça se construit dès aujourd'hui. Hein, parmi les enjeux qu'on concerne actuellement, c'est faire face à des problématiques comme les problèmes de démographie médicale et le manque de médecins sur certains territoires. On parle de déserts médicaux. Exactement. La Lorraine est quand même concernés hein, par cette problématique-là. Et une des réponses qu'on peut apporter et qui est en plein développement au CHRU de Nancy, c'est la télé-expertise. Alors dites-nous, la télé-expertise, est-ce que c'est un lien avec la télémédecine? On voit via un écran un patient? Comment ça marche? Exactement. Alors en fait, on s'appuie sur les innovations technologiques et évidemment l'expertise des professionnels de santé. En Lorraine, c'est le groupement de coopération sanitaire Télésanté Lorraine qui organise tout le support technique qui met en relation le CHRU de Nancy, parce qu'on reste un centre recours pour de nombreuses spécialités. Un centre de référence. De référence, exactement, pour les autres centres hospitaliers. Parce que bien sûr, on parle de la technique, ça ne se fait pas avec une webcam ou par FaceTime. Hein. C'est vraiment quelque chose de très complet. C'est très sécurisé, surtout. Hein. C'est des données confidentielles, des données médicales. Hein. C'est, parce qu'on a toujours peur, quand on part à distance, comme ça, de savoir qui regarde, qui va accéder à mes données. Donc tout ça est bien sécurisé, bien cadré. Exactement. Ça se passe comment ? C'est bien pour ça qu'on ne passe pas par Skype, par exemple. Voilà. Mais par ce système vraiment technique dédié à ces échanges de données. On peut prendre en fait un exemple très concret, c'est la prise en charge des AVC, l'accident vasculaire cérébral. Donc, y a une filière qui est très organisée en Lorraine. L'unité neurovasculaire du CHRU de Nancy est encore une fois le centre référence. Alors, par exemple, moi je ne sais pas, à Saint-Dié-des-Vosges, par exemple, un patient est suspecté d'AVC. Il est conduit au centre hospitalier de Saint-Dié. Les médecins commencent à faire les premiers examens. Au lieu d'emmener le patient jusqu'à Nancy, la connexion se fait entre l'équipe de l'unité du CHRU et les médecins de Saint-Dié. Le médecin voit en direct le patient, échange avec le médecin, a accès aux résultats de l'IRM et les médecins décident ensemble si le traitement doit être fait et quel traitement doit être fait. Donc c'est des précieuses minutes qui sont gagnées. Mais ça sous-entend qu'il y a toujours quelqu'un au bout de la webcam, si je puis dire. C'est H24, il y a quelqu'un. Alors non, en fait l'hôpital contacte le CHRU et tout se met en place parce que de toute façon on fonctionne toujours 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc il y a la téléconsultation un peu, la télé-expertise, on vient de le dire, mais également la télésurveillance médicale, c'est-à-dire qu'un médecin surveille et interprète donc à distance tous les paramètres médicaux d'un patient. L'enregistrement et la transmission des données peuvent être même automatisés ou même réalisés par le patient, je crois. Voilà, alors ça là je ne pourrais pas trop en dire, mais c'est vrai que ça fait partie des applications des choses qui sont de plus en plus développées pour éviter aux patients de venir à l'hôpital. Et peut-être aussi éviter d'engorger les urgences, ça permet de réorienter, de mieux réguler peut-être ? Exactement, bah, c'est vraiment, ça contribue à ça, hein, oui, évidemment. Alors c'est vrai qu'il y a une stratégie nationale hein, de développement de la télémédecine. On a parlé des AVC, il y a la permanence des soins en imagerie, la santé des personnes détenues, les soins en structure médico-sociale et l'hospitalisation à domicile, comme vous l'évoquiez, et puis la prise en charge des maladies chroniques qui rentre aussi dans ce volet-là. L'avenir également concerne le vieillissement de la population. Je crois qu'aujourd'hui, on peut parler d'enjeux vraiment majeurs de la prise en charge de la personne âgée et dépendante. Alors, quelles sont les actions qui vont être menées sur cette thématique ? Alors, c'est vrai que le vieillissement de la population est un enjeu à prendre en compte dès maintenant. Le CHRU de Nancy fait partie d'un dispositif expérimental qui s'appelle PAERPA. PAERPA pour... pour personnes âgées en risque de perte d'autonomie. Donc le Grand Nancy fait partie des territoires en France qui ont été retenus pour tester ce dispositif-là. Donc l'objectif, c'est de structurer et de coordonner au mieux tous les acteurs qui sont autour de la personne âgée. Le médecin traitant reste l'acteur principal de ce maillon-là, le CHRU également, les structures d'amont et d'aval, et l'objectif est de définir toujours le parcours de soins le plus adapté possible à la personne. Donc l'objectif est vraiment la coordination, une meilleure communication pour limiter la perte d'autonomie ? Exactement. On a mis en place au CHRU de Nancy l'unité de gériatrie d'entrée directe, l'UGED. Alors c'est quoi ? Alors, c'est une structure en fait qui permet des passages inutiles aux urgences pour les personnes âgées. Le médecin traitant, s'il sent que la personne âgée a besoin d'une prise en charge, appelle directement l'UGED et la personne âgée est directement orientée, donc dans les 24-48 heures, hein, on est dans des délais très raccourcis, tout ça pour vraiment limiter le passage aux urgences et des hospitalisations inutiles qui fragilisent encore plus l'état de santé de la personne âgée. On parle de l'état de santé, mais le degré de dépendance d'une personne âgée dépend du niveau de ses limitations fonctionnelles, de ses restrictions d'activité qu'elle subit et non directement et uniquement de son état de santé. Donc ça prend en charge vraiment l'état global de la personne âgée. Exactement, et donc cette unité peut réaliser des bilans courts programmés, donc des bilans de chute, d'anémie, de fatigue, On peut revoir exactement aussi de tout ce qui est prescription médicamenteuse, hein, parce que les personnes âgées sont souvent doivent avaler 36 000 médicaments. Je confirme, les prescriptions qui concernent les personnes fragiles, les personnes âgées sont souvent très alambiquées et très surmédicamentées par rapport à un organisme qui s'essouffle un peu, les organes se fatiguent un peu, et c'est bien de revoir ça et de faire le point lors notamment de conciliation pharmaceutique. Exactement. Et c'est vrai que l'UGED apporte aussi sa pierre à l'édifice et peut revoir un peu tout ça, voir quel médicament est vraiment efficace, est-ce qu'il n'y a pas d'interaction, et c'est aussi accompagner à la prise en charge de la douleur à domicile. Donc avec la télémédecine, avec l'accompagnement du vieillissement de la population, vous me parlez d'un autre projet qui va animer le CHRU dans les années à venir, on l'appelle le Groupement Hospitalier de Territoire, le GHT. Alors en un mot, c'est quoi ? Alors, c'est encore en discussion, hein, la loi santé est en discussion au Parlement. En fait, le GHT, c'est un nouvel outil pour encore renforcer davantage les coopérations entre établissements publics de santé sur un territoire. Alors, c'est vrai que la dynamique a déjà été amorcée en Lorraine depuis 2011 avec la création d'une CHT, Communauté Hospitalière de Territoire. C'est beaucoup d'acronymes avec CHT, VHT, faut pas se tromper, faut bien l'articuler au téléphone. Hein, quand... L'univers merveilleux de la santé est fait d'acronymes. Et d'administration. Donc entre le CHRU de Nancy et le CHR de Metz-Thionville, où il y a vraiment une écriture de projet médical commun pour organiser la manière la plus efficace possible la prise en charge des patients. Et on voit, je peux citer par exemple, la création d'un pôle territorial chirurgie cardiovasculaire ou un pôle territorial sur la prise en charge des grands brûlés. Donc vous me dites si je me trompe, mais à l'avenir, on n'est plus du tout dans l'optique de chaque ville à son hôpital qu'elle gère tout seule, mais vraiment on est dans une communication, une mise en relation des moyens techniques, des professionnels pour une harmonisation bien au-delà de la ville, bien au-delà du département, mais jusqu'à la région. Exactement. Il n'est plus question de voir les hôpitaux comme concurrents entre eux, mais comme complémentaires et travaillant ensemble et toujours au service des patients. Ben, je vous propose de faire le point également dans 30 ans pour savoir si le GHT a bien fonctionné. C'était le dernier jingle de votre émission Sentez-vous bien, spécial 30 ans de Fadjet. Merci à tous les auditeurs de votre présence. Merci également à mes invités, Bernard Quadon, président de Fadjet. Merci à vous de nous permettre d'exister et de nous exprimer. Merci à vous, David, pour votre présence et le soutien du CHRU pour la promotion et la mise en avant des acteurs de la santé qui font la richesse de l'agglomération nancéienne et même lorraine. Merci énormément à Yves, à la technique qui m'a permis de réaliser cette émission. Sentez-vous bien, spécial 30 ans de Fadjet touche à sa fin. Merci à toutes et à tous de votre fidélité, d'avoir partagé ce moment festif malgré tout avec nous. N'oubliez pas que Sentez-vous bien, c'est votre émission. On se retrouve demain à 17h. Nous ferons le point ensemble dans le magazine de la santé sur l'homéopathie. Adulée par les uns, décriée par les autres, l'homéopathie déchaîne les passions, effet placebo ou réelle efficacité. On vous dira tout demain à ce sujet. Nous recevrons également l'association Narcotique Anonyme. Comment cette association peut-elle venir en aide aux consommateurs de drogue ? Comment s'inscrire si on est intéressé ? Toutes les réponses avec notre invité dans Sentez-vous bien demain à 17h. Tout de suite, je vous laisse en compagnie de Benoît dans Destination Série. On va monter d'un cran. Nous étions en 2009, on va aujourd'hui passer en 2010. Quels événements ont marqué cette année 2010 ? Les réponses avec Benoît et son invité Loan dans quelques instants. Mais dans l'immédiat, la fête continue sur Fadjet, notamment avec Thundertruck de All Cities. Très bonne journée à tous sur Fadjet, bien sûr. I chase the phantoms down on